des acheteurs, des entreprises. Amédé Bongo, des caisses et dynasties, le coach. Yomboro Celeste, Disselenos. Dominique Darata, ceux qui ont fui la guerre sont des mauvais soldats. Philippe Olambabera. Passer la bordeaux. Ils le feront.